Dernier point dans cette réflexion sur l'histoire en tant que discipline scientifique, nous allons aborder la question de la fonction sociale de l'histoire. Il s'agit de se demander pourquoi étudier l'histoire, pourquoi chercher à acquérir une connaissance objective du passé des sociétés. On attribue quelquefois à l'histoire une fonction d'exemplarité. Il serait important de connaître le passé pour mieux agir dans le présent en vue de l'avenir. L'histoire nous fournirait des modèles, ou au contraire des contre-modèles, et relater ainsi les tragédies passées, ça permettrait de ne pas commettre de nouveau les mêmes erreurs. Alors, à cette position qui est peut-être un petit peu naïve, un petit peu idéaliste, au sens courant du terme, bon, Hegel répond que à ses intuitions, que l'expérience nous apprend que les peuples et les gouvernements n'ont jamais rien appris de l'histoire. Au contraire, on voit bien plus souvent l'histoire instrumentalisée. Voilà, les gloires et souffrances passées sont utilisées pour mieux mobiliser les foules, éveiller les passions les plus violentes. Alors que l'historien, lui, eh ben, il prétend éclairer les polémiques actuelles à partir de la connaissance du passé. Mais très souvent, en fait, dans sa quête de vérité, l'historien, il se retrouve à jouer un rôle un petit peu paradoxal. Tantôt, il critique des interprétations biaisées du passé, mais tantôt, il se retrouve lui-même à participer à construire des mythes. Et là-dessus, on peut se référer à Ernest Renan. Ernest Renan, c'était un philosophe et polémiste de la fin du 19e siècle. Et Ernest Renan, il a écrit un petit ouvrage qui s'appelle Qu'est-ce qu'une nation? Il soulignait l'importance de l'histoire comme ferment de l'identité collective. Il disait, pour construire une nation, ça ne se fait pas tout seul. Une nation, donc un peuple organisé politiquement, il a besoin de s'appuyer sur une mémoire collective. Et d'une certaine manière, l'histoire, en tant que discipline scientifique, mais là, une histoire instrumentalisée, elle va servir à construire cette mémoire collective. C'est-à-dire, elle va servir à fixer dans les représentations partagées un certain nombre d'actes glorieux passés, mais aussi de souffrances passées, qui vont permettre de cimenter la communauté. Donc là, on voit, on n'est pas du tout dans le cadre d'une histoire complètement impartiale. Là, on a une histoire qui est mise au service d'un projet politique. Et c'est d'ailleurs clairement ce qui s'est fait à l'époque d'Ernest Renan, qui écrit à la fin du 19e siècle, sous la Troisième République, parce que l'histoire de France, et surtout son histoire mouvementée vis-à-vis de l'Allemagne, a été beaucoup utilisée par le système politique et éducatif afin de mobiliser la société à des vues guerrières, à des vues de revanche, hein, après la guerre de 1870, hein, la défaite face à la Prusse, en vue de reconquérir l'Alsace-Moselle. Donc vraiment, là, il y a eu un usage politique de l'histoire. Donc là, on peut se dire, bon, on est parti un peu de cette idée, voilà, étudier l'histoire pour éviter les erreurs passées, mais on découvre qu'en fait, bah très souvent, l'histoire, finalement, elle sert surtout à des projets politiques bien éloignés des intentions des historiens eux-mêmes qui peuvent agir en tant que scientifiques, c'est-à-dire chercher à faire quelque chose d'objectif, d'établir une connaissance rigoureuse du passé. C'est pour ça qu'on doit se poser un petit peu bah, la question de la valeur de cette connaissance historique. Et là-dessus, un auteur qui nous donne un petit peu des pistes, c'est Nietzsche. Nietzsche, lui, nous met en garde contre le danger d'une fascination excessive pour l'histoire. Il convient de se demander, selon lui, non pas si la connaissance du passé est vraie, mais si elle est utile à la vie. L'idée pour Nietzsche, c'est qu'une pure recherche de connaissance pour elle-même, la connaissance, le vrai pour lui-même, bah, c'est pas forcément quelque chose d'utile. C'est même une démarche un petit peu morbide. Pour lui, l'individu qui est accaparé par la quête de vérité, en fait, il cherche à fuir le présent, à fuir son existence. Il se réfugie dans le passé par peur du présent. Et celui qui vivrait comme ça entièrement dans le passé, bah, en fait, il oublierait complètement de vivre. Et donc, c'est pourquoi Nietzsche nous dit, il y a plusieurs usages de l'histoire, il y a des bons et des mauvais usages, entre guillemets. Et il faut éviter de s'enfermer, voilà, dans un usage morbide de l'histoire, un usage qui nous enferme dans le passé, et au contraire, il faut chercher des usages utiles à la vie. Et c'est pour ça que Nietzsche distingue trois manières de faire l'histoire, hein, trois utilisations de l'histoire. Il y a ce qu'il appelle l'histoire monumentale, l'histoire antiquaire et puis l'histoire critique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, l'histoire monumentale, elle est faite par et pour les hommes d'exception. Qu'est-ce que c'est les hommes d'exception? C'est les grands artistes, les héros, les personnages inspirants. Voilà, c'est tous ceux qui, d'une certaine manière, servent de modèle. Et donc, une histoire monumentale, c'est une histoire pour ceux qui vont chercher dans le passé pour y trouver des modèles, des exemples inspirants. Et une histoire monumentale, elle peut inciter à agir, à créer, à obtenir la gloire pour reproduire des actions aussi héroïques. Mais il nous dit en même temps, elle a un travers, c'est qu'elle peut devenir paralysante. Parce que si on reste focalisé comme ça sur ces grands modèles, on peut finir par en ressentir notre propre médiocrité. On peut en conclure que ben, finalement tout a déjà été fait. C'est même plus la peine de chercher à égaler les merveilles du passé. Et donc, s'enfermer dans l'histoire monumentale, ça pourrait finalement, paradoxalement, venir s'opposer à la recherche de toute nouveauté, toute création, parce que on dirait, ben non, ça sert à rien de créer quelque chose de nouveau, il suffit de reproduire le passé. Donc, il nous montre, voilà, cette première histoire, cette histoire monumentale, elle est ambivalente. Elle a un aspect positif, mais elle a potentiellement un aspect négatif. C'est un petit peu la même chose pour ce qu'il appelle l'histoire antiquaire. L'histoire antiquaire, c'est quoi? C'est cette démarche qui consiste à préserver et vénérer ce qui a été. Il s'agit d'identifier dans le passé les conditions qui ont été favorables à la vie, à la création. Et donc, cette histoire antiquaire, elle va nous procurer des repères. C'est celle-là qui va servir à bâtir des identités collectives. Et Nietzsche nous dit, voilà, l'histoire antiquaire, ben, c'est celle qui contribue à forger, tonifier l'esprit collectif, l'esprit d'un peuple, hein, c'est-à-dire l'identité collective, et elle permet à l'individu de s'identifier au groupe. Mais aussi, ben, un peu comme la première, elle a une face un petit peu négative, hein, c'est-à-dire qu'elle peut basculer dans une espèce de sacralisation du passé. Et ça finit par écraser, nous écraser d'une certaine façon. Et encore une fois, c'est un petit peu comme les personnes, si vous voulez, au niveau individuel, qui sont toujours en train de ressasser le passé, sans jamais pouvoir avancer dans la vie. Et bien, il nous dit que ce serait un peu la même chose, pratiquer l'histoire antiquaire. Ce serait une société qui serait emprisonnée dans son passé, eh bien, elle ne pourrait plus avancer. C'est pour ça que Nietzsche, il valorise le troisième usage de l'histoire, ce qu'il appelle l'histoire critique. Ça, c'est celle qui met l'histoire elle-même en procès et la passe au crible. Il s'agit d'une certaine façon de juger le passé pour garder ce qui peut être utile, mais aussi se libérer d'un passé trop pesant, si vous voulez. Quand une société, elle s'enferme dans son passé, dans des traumatismes qui l'empêchent d'avancer, bah, d'une certaine manière, parfois, il faut un petit peu oublier ça. Alors, bon, sans doute la perspective de Nietzsche peut être un petit peu, un petit peu discutable, notamment d'un point de vue épistémologique, parce qu'on dira, ah oui, bon bah là, il veut nous faire oublier le passé pour mieux avancer, mais est-ce que c'est très rigoureux à l'égard d'une recherche de connaissances objectives? Mais tout de même, ça peut aussi nous éclairer sur le rôle critique que peut avoir l'histoire. L'histoire, elle peut nous permettre de prendre distance vis-à-vis du passé, notamment à faire deuil de certains événements, pour se libérer d'un souvenir pesant. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut nous ramener au rôle, si vous voulez, d'historien, dans la mesure où il déconstruit la mémoire collective pour réduire son caractère passionnel. Hein, parce que finalement, c'est pas tant l'histoire elle-même qui crée des troubles, qui est pesante pour une société. C'est plutôt la mémoire, c'est-à-dire le passé tel qu'il est encore présent dans la société à travers les représentations partagées, soit les représentations partagées dans les familles, les représentations qui sont véhiculées par les hommes politiques, par le système médiatique. Eh bien, on peut penser, voilà, une guerre qu'a supportée un pays, une invasion ou bien des troubles terribles qui continuent de travailler une société, bon, eh bien, très souvent, ils ne sont pas regardés au prisme des connaissances scientifiques, mais ils sont plutôt perçus au travers de ces représentations, au travers du souvenir, donc de la mémoire. Et donc là, ici, on peut voir un rôle, une forme d'histoire critique, c'est que l'histoire critique, elle intervient pour déconstruire cette mémoire collective, montrer ce qu'elle a peut-être de juste, mais aussi ce qu'elle a, entre guillemets, d'incorrect, et donc pour nous permettre, pour permettre à la société de se libérer un petit peu de ces représentations qui peuvent être effectivement déstabilisantes.